de la francophonie à travers le monde du 1er au 3 septembre pour la 5e édition du Mondo Carnaval, culture en fête à Québec. Célébrez la musique des Caraïbes en compagnie des deux porte-paroles Flavia Nascimento et Baron Mikhalov et des invités d'honneur de plusieurs pays. Voyez les spectacles de musique à l'extérieur et en salle, le chapiteau des cultures, le marché du monde, le triptyque de la diversité et beaucoup plus. Participez au défi carnavalesque le 1er septembre sur la 3e avenue. Une foule d'activités gratuites pour toute la famille en plein cœur de Limoilou. Programmation complète sur mondocarnaval.com. Bonsoir les amis, vous êtes à CKRL 89.1 à Québec et c'est l'émission Terra Incognita avec Bruno qui est toujours aux commandes de la console. C'est lui qui nous fait des beaux mix. Donc bonsoir Bruno. Et à l'animation, c'est France et Jean-François. On est là jusqu'à minuit. Minuit. Mais oui, ça a été une grosse semaine. Oui, une grosse semaine. Ben oui, on est allé voir des Purple et Judas Priest, même si on était un petit peu hors sujet en ce qui concerne Judas Priest. C'était un très bon show. Oui, très bon show. Pour ce qui est des Purple, ben, on a été impressionnés par les qualités de Don Airey au clavier. C'était assez extraordinaire. Et un light show, encore une fois, extraordinaire. Mm-hmm. Donc, un très bon spectacle. Très bon. Et il y en a encore plein d'autres qui s'en viennent. On en jaserait un petit peu tantôt. Et c'est la première émission de la saison automne-hiver. Oui. Ça sonne drôle, hein, automne-hiver. Automne-hiver, puis il fait chaud encore. Ben oui, et ça va être chaud ici ce soir parce qu'il y a de la bonne musique. Et on va commencer. Oui? Tu peux faire une annonce avant de mettre le disque? Ben, je vais te la laisser. Ben non, c'est à toi. Alors, vas-y. Terra Incognita a annoncé sur sa page Facebook cet après-midi la venue de Unreal City le 22 octobre et aussi il va avoir le lancement de Carsius en même temps. Les billets sont déjà en vente. Oui, à partir d'aujourd'hui. Oui. Et t'as pas dit la place? Au centre d'Arles-la-Chapelle. Ben oui. Parce que moi, je trouve que c'est une belle place, là, mais la dernière fois qu'on les a vus, ben, c'était alenti. Et ben, c'était serré un petit peu là, pour les gens qui étaient là. Alors que là, on va avoir de la place. C'est au centre d'Arles-la-Chapelle, une salle confortable. Et ben, c'est pas que c'était pas confortable alenti, mais c'était un petit peu exigu pour les gens qui étaient là. Il y avait beaucoup de monde. Ben là, on va y aller en musique. J'osera tout ça un petit peu plus tard. Et pour l'instant, il va avec Fido Xavier. Leur nouvel album. Ben oui, qui s'appelle Infernal. Et ça a pris du temps avant de l'avoir, parce qu'il était annoncé déjà la dernière fois qu'on les a vus. Et ça remonte à 2013, qu'ils sont venus nous visiter à Québec. Et déjà, mm-hmm. à ce moment-là, il y avait une pochette qui circulait, là, Infernal. Mm-hmm. Et ben là, il est sorti, c'est un album double. Et on va entendre un extrait et ce sera suivi de la Dottrina degli Opposti. Oh, je te laisse le choix de le dire. Oui, et donc deux extraits dans ce premier bloc et on vous revient après.

Tu aimes la course à pied et les arts de la rue? La course de la Cité Limoilou est pour toi. Viens courir 1, 2, 5 ou 10 km dans une ambiance de cirque avec musique, jongleurs et amuseurs de rue. Le 30 septembre prochain, dans une ambiance unique, les rues de Limoilou s'ouvriront aux coureurs. Profite du tarif réduit jusqu'au 1er septembre, minuit. Inscris-toi sur coursedelacitelimoilou.ca. Une collaboration de la SDC Limoilou et du 89.1 CKRL. Sortie culturelle. Salut, c'est Robert Voisclair et j'aurai le plaisir d'animer Sortie culturelle au Mondo Carnaval le samedi 1er septembre de 13h à 14h30 en direct du lieu historique national Quartier-Brébeuf. Venez célébrer avec moi, mes invités et les porte-paroles Flavia Nachimento et Baron Mikhailov. Mondo Carnaval, les cultures du monde à Québec, c'est à ne pas manquer le 1er septembre dès 13h. Et c'était la Dottrina degli Opposti, un bon groupe italien qui est formé d'Andrea Lotti. C'est son projet, là, il est avec une foule d'invités, là, il y en a peut-être une trentaine. Et c'est un fondateur de la Cosenza d'Iseno, qui comprend aussi Andrea Orlando, qu'on connaît bien. Et sur la trentaine d'invités, bien, il y en a de son ancien groupe, Cosenza d'Iseno. Il y a aussi des membres de Il Tempio de l'Ecclésidré. Donc, c'est des arrangements de clavier accompagnés d'un orchestre, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et on compare ça à des groupes comme Il Rovecchio de la Medaglia, Latte e Miele, un très bon groupe, Banco del Mutuo Soccorso et New Troll. Donc, c'est pas des mauvaises références. Hein? Non, du tout. Il y en a beaucoup qui considèrent ça comme déjà comme un disque de l'année, entre autres Carole Watson, qui est complètement fou de ce disque-là. Oui, qu'on a vu la semaine dernière, oui, c'est ça. Ben oui. Et juste avant, mais c'était le dernier de Fido, de son album Infernal, la pièce From Hydrogen to Love. Et ben, avant de parler de ce qui s'en vient, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute des illusions auditives, là, mais moi, j'étais encore sur le choc. Là. Vincent Delisle a fait jouer un disque qui a été enregistré en 1976 avec des membres de Manège. Et c'est Claude Léveillé qui a composé tout ça. C'est sorti sous son nom, mais c'est paru seulement en 1978. Il me semble que ça aurait été un bon titre à sortir par un label comme Prog Québec. Mais oui. Sauf que peut-être que les bandes ne sont pas disponibles, une question de droit ou je ne sais pas trop quoi. Là. J'ai vu que c'était sur Polydor. Des fois, les négociations ne sont pas faciles. On peut peut-être parler un petit peu de concert. Oui, en deux parties, parce qu'il y en a pas mal. Oui, allons-y pour les principaux. Bon, ben cette semaine, c'est le 4 septembre, c'est SoN. Salle Multi. Bien. En première partie, c'est Hillward. En parlant d'Hillward, il va y avoir un lancement de leur album le 18 septembre à l'Antibar. Mm-hmm. Ensuite, le 8 septembre, c'est Pock Story à la salle Jean-Paul Tardy. Le 10 septembre, toujours au même endroit, c'est Terry Bozio. Oups, il y en a tellement que je l'ai dit, 4-5. Le 3 octobre, IQ. Au même endroit. Le 10 octobre, les Throbs au Palais Montcalm. Le 13 octobre, DJ Project, la Margelle du Cégep de Sainte-Foy, en première partie, Inner Odyssey. Le 22 octobre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Unreal City, avec le lancement de l'album de Carcius au Centre d'art La Chapelle. La suite, plus tard. Donc, en musique, on y va avec Gaspacho du nouvel album qui s'appelle Soyuz, qui est paru il y a quelques semaines. Il y aura aussi Carcius, qu'on a eu un petit peu sur le tard. En fait, ça vient de sortir, là, mais on l'a eu en fait le lendemain de la dernière émission qu'on a faite. Et on va écouter aussi du Circuline et Arion. On vous revient tout de suite après. Oh, light enough, dear, pretty light. drink up this poison. Little old man, heal. It's gone too far, dear. You've seen them all rise and fall, and the mercury. years of wonder by the disease. Lawless masterful leaves you in peace. Emperors be small. Emporium, mountain of words. Dull your mind, their infinite worlds. Meet the emperor, see what you learn. Yeah! Unification. 89.1. Vibrez au rythme de la francophonie à travers le monde du 1er au 3 septembre pour la 5e édition du Mondo Carnaval, culture en fête à Québec. Célébrez la musique des Caraïbes en compagnie des deux porte-paroles Flavia Nascimento et Baron Mikhalov et des invités d'honneur de plusieurs pays. Voyez les spectacles de musique à l'extérieur et en salle, le chapiteau des cultures, le marché du monde, le triptyque de la diversité et beaucoup plus. Participez au défi carnavalesque le 1er septembre sur la 3e avenue. Une foule d'activités gratuites pour toute la famille en plein cœur de Limoilou. Programmation complète sur mondocarnaval.com. Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. Et on a terminé ce bloc avec Arion. Je pense qu'on pourrait dédier cette pièce-là à Michel Bello, qui adore Arion. Il nous en avait passé la remarque une fois qu'on l'avait mis. Donc, on souhaite bonne fête à Michel. On sait qu'il nous écoute de façon assidue. Et juste avant, c'était un groupe américain qui s'appelle Circuline. Et leur album s'appelle Circulive Majestic. Un beau petit jeu de mots, là. On a entendu la pièce Stéréotype. Ah, dans le cas des Arion Universe, c'était The Theory of Everything. Donc, Circuline, c'est formé en 2014. C'est suite au split d'un groupe qui s'appelait Downing Grey. C'était un groupe d'hommage au prog en général. Et ils ont lancé après ça Return au mois d'avril 2015 et Counterpoint après ça en 2016. Et ce disque-là s'appelle Circulant Majestic et c'est en concert et c'est un DVD. Et un Blu-ray et un CD. Et on dit que ça s'adresse aux fans de Third Degree, Dream the Electric Strip. Sleep et Elephant of Scotland qu'on a vu au festival Terra Incognita. Et d'ailleurs, le festival Terra Incognita revient, c'est maintenant officiel, Mais les groupes n'ont pas été annoncés. Non, c'est ça. On les attend avec impatience. Ça va se faire bientôt. Et on avait eu aussi Carsius, un groupe de Montréal, son 5e CD. Il traîne encore une étiquette de jazz fusion, mais les deux derniers avec le chanteur, comme on a pu le voir, là, c'est moi j'appellerais ça un petit peu plus rock ou post-rock si on veut. Et Gaspacho qui avait ouvert ce bloc-là avec un 10e album. On dit que, sur leur site, on dit que c'est plus accessible que Radiohead, plus diversifié que Marillion. Si on peut en douter. Ouais. Et plus progué que Coldplay. Bon, c'est correct. Mais ça demeure toujours mélancolique. Et celui que j'aime le plus, c'est celui de 2007, Night, qui a des accents très folkloriques. Et toi, tu as quelque chose à dire? La suite des spectacles. Oui. Le 15 octobre, c'est Carl Palmer dans la salle Jean-Paul Tardy. Le 5 novembre, c'est le lancement du CD de Universe Effect au Théâtre du Petit Champlain. Le 11 novembre, Dwezel Zappa au Palais Montcalm. Le 23 novembre, Gong et Sea Village à la salle Jean-Paul Tardy. Le 23 février, le spectacle qui est remis de Marion Scripp Revisited au Cégep Garneau. Et le dernier, c'est Arena, le 30 mars, à la salle Jean-Paul Tardy. Et peut-être souligner que CKRL est encore en nomination pour la radio communautaire de l'année. Ça, c'est au prix Rencontre de la Disque. Et il y a aussi Tania Beaumont comme directrice de la programmation. Et Daniel Marcoux également. Il y a également Ricard Schaublum, Gunfly, qui nous arrive avec un nouvel album là, qui paraîtra le 9 novembre. Ça va s'appeler Friendship. Et finalement, Circus, le groupe de Trois-Rivières qu'on a vu au Festival Terra Incognita cette année. Il y a un nouvel enregistrement de l'album Wild Dog. Puis là, on dit que pratiquement tout a été réenregistré, donc ça sonne beaucoup mieux. Et je pense que l'album va être disponible. En tout cas, c'est annoncé sur Facebook. Eh bien, on va y aller en musique avec Galasphère 347. C'est un disque qui comprend des gens qu'on connaît bien, des anciens membres de Henry Fool, White Willow et Anne de la Gare. Et il y a juste trois longues pièces là-dessus. On compte aussi Mathias Olson là-dedans, Jacob Home Lupeux et Steve Bennett. Donc on va entendre une pièce d'une quinzaine de minutes. D'ailleurs, c'est juste ça qu'elle a là-dessus, là, deux de 15 puis une de 10. Ça s'appelle Barbara's Lover. Et ensuite, une demande spéciale de France, il y aura du Unreal City pour souligner leur venue le 22 octobre. C'est ça. 22 octobre. On a eu un appel à ce sujet-là, donc c'est Unreal City, mais cette fois-là dans une place beaucoup plus grande, c'est-à-dire le Centre d'art La Chapelle, et les billets sont en vente depuis aujourd'hui. Still to see the love you and I. crowd. A kind of god in a satin gown. Thank you.

Yeah! Ici DJ Punk Asbed. Je vous invite lundi le 3 septembre dès 21h à écouter Prescription Punk Rock. On célèbre nos 10 ans d'existence. Fait qu'on va avoir une émission bien spéciale. On a comme invité Irish Moutard qui va être en studio en prestation. Ben Claveau de la formation Bodactan va aussi être avec nous. Et on a Paul Giacomo, bien sûr, du Unplugged Band et Nevermore and Less qui va être live. Et on a les légendaires Belvedere, formation de Calgary, qui va nous appeler live. Tout ça lundi le 3 septembre dès 21h pour les 10 ans de Prescription Punk Rock. Ça mériterait 10 Airliers à ça. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Développement Paix Conseil Diocésain, Jeunes Musiciens du Monde, l'Anglicane, La Boussole, 3E Événements. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Et c'est un groupe qui n'a plus besoin de présentation, Unreal City. C'est ça qui a terminé notre troisième bloc avec un extrait de La Crew Delta dit Abrilé. On a entendu Atlantis. Et juste avant, c'était Galasphère 347 avec Barbara Lover. Et je vous signale que vous pouvez aller chercher nos playlists là, sur www.terraincognita.québec. Et il y a aussi la page Facebook Terra Incognita que je vous invite à aller voir. Vous allez avoir toutes les dernières nouvelles en ce qui concerne les divulgations de noms qui devraient être faites bientôt, selon Michel. Les prochaines semaines, on espère. On espère. Et c'est ça. Il y a aussi les podcasts aussi. Si vous voulez réentendre l'émission ou si vous avez manqué une partie, vous pouvez aller sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca, et vous allez dans la programmation et vous allez chercher l'émission Terra Incognita. Et c'est déjà presque tout en ce qui nous concerne. Mais on va entendre avant, dans le quatrième bloc, Mystery avec Lies and Butterfly, leur dernier album, qui est très bien reçu. On voit plein de bons commentaires sur Facebook. Les palmarès. Et... Mm-hmm. Il n'y a pas juste les Européens, je pense qu'ils l'aiment. Non. Même si en concert, ils sont très appréciés en Europe. Et on dit que ce sera pour 2019. Je pense que Michel Saint-Père, j'ai vu qu'il parlait d'un concert à Québec, possiblement en 2019. Donc, ça vient si vous avez hâte. Donc, on va entendre Chris Alice de Mystery. Et ça sera suivi d'un groupe anglais qui s'appelle Regal Worm, avec un nouveau disque qui s'appelle Pig Views. Et c'est un groupe qui est un petit peu bizarre. La première écoute, je l'ai trouvée un peu surprenante. En fait, un peu comme d'autres groupes que j'ai parlé plus tôt. Eh bien, c'est le band là, de Jarrod Gosselin et une foule d'invités. Donc, c'est un joyeux multi-instrumentiste qui fait toutes sortes de choses. Et lui aussi a fait partie d'Henry Fool. Donc, il y a une certaine continuité en ce qui concerne les groupes qui passent ce soir. Donc, on y va en musique avec Mystery et Regal Worm. We'll be right back.